Exercice 9, page 73. A. Donne-lui à manger. Transformer. Donne-leur à manger. B. Note-lui ton adresse. Transformer. Note-leur ton adresse. C. Colle-lui un beau timbre. Transformer. Colle-leur un beau timbre. D. Apporte-lui vite. Transformer. Apporte-leur vite. E. Offre-lui à boire. Transformer. Offre-leur à boire. F. Poste-lui ses lettres. Transformer. Poste-leur ses lettres.